qui voyaient les anarchistes comme de doux rêveurs ou de dangereux utopistes. À vous qui avez été séduit par un ni Dieu ni maître tout en vous disant que ça ne menait à rien. À vous qui lisez Proudhon, Bakounine ou David Graeber et vous demandez comment les mettre en pratique. Vous êtes au bon endroit. Non, l'utopie n'est pas qu'utopique et l'anarchie n'est pas nécessairement anarchique. De là à en trouver un manuel pour le mettre en œuvre, eh bien c'est ce que nous allons nous demander aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le premier jour de notre monde. D'ailleurs, vu que c'est le premier jour, on dit quoi? On est lundi? Non, on est jeudi. Non mais Dylan a raison, si on décide aujourd'hui qu'on est lundi, aujourd'hui, on est lundi. Lundi, mardi, c'est pas un peu Babylone quand même? Si, c'est complètement Babylone le nom des jours. Non mais du coup, on est quel jour alors? Eh ben, on pourrait dire qu'on est... Aujourd'hui... Aujourd'hui, c'est Undi. Undi? Mais aujourd'hui, c'est Undi le premier du coup? Du coup, on garde les mêmes chiffres qu'à Babylone. Si on commence à tout changer, là, ça risque de devenir compliqué. Hein. Si, il faut tout changer, Jean-Paul. On dit qu'on est Undi, le Christken. Undi, le Christken. Mais le Christken de quel mois? Du Tarkun. Du Tarkun. Ouais. Undi, le Christken du Tarkun. Ouais. Premier jour de notre monde. Ouais. Ouais. Ça va falloir noter, hein, sinon on va pas retenir, par contre. En tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que... bien. Ce qu'on va faire à partir de maintenant, c'est vivre comme on l'entend. En soignant la Terre de toutes ces souffrances qu'on lui a infligées, et vivre les uns pour les autres. Oui. Oh, bravo, oui. Jean-Paul. Bravo, Jean-Paul. Bravo, Jean-Paul. Bonjour, Jean-Christophe Angot. Bonjour. Vous êtes maître de conférences de philosophie à l'École normale supérieure de Lyon. Vous êtes spécialiste de Mikhaïl Bakounine et de la philosophie allemande du 19e siècle et de l'anarchisme. Vous êtes membre du comité de rédaction de la revue Réfraction qui portait d'ailleurs sur préfiguration et utopie. Et vous êtes auteur d'un blog sur Bakounine. Alors aujourd'hui, on va parler de comment mettre en œuvre l'anarchie. On vient d'entendre un extrait du film Problemos, le film d'Éric Judor de 2017. Et effectivement, on entend dans ce film, dans cet extrait, que l'anarchie, c'est toujours mettre en forme, en œuvre, quelque chose d'un peu ridicule qui relèverait de l'utopie finalement. Les anarchistes sont toujours de doux rêveurs et un petit peu à côté de la plaque. Oui, alors c'est toujours le paradoxe de la manière dont on traite les tentatives d'expérimentation anarchiste. C'est-à-dire que lorsqu'on les traite au présent ou au futur, éventuellement on les ridiculise comme utopiques, comme chimériques. Et lorsqu'on les traite au passé, c'est pour dire oui, mais alors ou bien ça a échoué. Ou bien, oui, mais c'était dans des circonstances très particulières. Donc ça, c'est assez intéressant de se rapporter pour ces raisons-là. Alors non pas en historien, mais en personne qui médite sur l'histoire, sur les expériences historiques, pour savoir quelles leçons on peut en tirer, quelles inspirations on peut en tirer, sans être historien, en ayant lu les historiens, mais en s'intéressant un peu aux expériences du passé, et peut-être aussi pour les faire sortir de cette alternative qui est le chimérique, le défait ou l'idiosyncrasique, si on veut. Alors peut-être que le mieux, Jean-Christophe Angot, c'est peut-être tout de suite en fait d'entendre la voix, je pense, d'un philosophe qui s'appelle Miguel Abinsour et qui nous permet déjà de réévaluer cette idée d'utopie. Peut-être que ce n'est pas l'anarchie qui se trompe, mais peut-être qu'on se trompe de définition d'utopie. Au lieu de prendre l'utopie telle qu'on l'a définie dans les dictionnaires, tableau d'une société parfaite ou visant à la perfection, etc., mon idée c'était finalement de réintroduire l'utopie dans la vie et de voir comment l'utopie pouvait se penser comme un mouvement, comme un processus dynamique qui comprendrait deux temps, si vous voulez, c'est-à-dire le décrochage par rapport à l'ordre établi et l'investissement d'une autre forme de communauté. D'une part, nous sommes sous l'emprise d'une haine de l'utopie qui est extrêmement forte. Mais en même temps, je pense qu'il y a quantité de tentatives associatives, de mouvements qui sont pas comme ça, comment dirais-je, au premier plan, hein, qui sont pas sur la scène publique, mais qui sont peut-être en train de germer. Par exemple, il y a des mouvements de désobéissance civile. Donc cela, je pense que c'est l'utopie se faisant. C'était donc la voix du philosophe Miguel Abensour, philosophe français, hein, disparu en 2017, qui a écrit notamment Utopique, De l'homme est un animal utopique, qui propose de penser l'utopie en pratique. Alors on identifie souvent anarchie et utopie. Déjà, est-ce que ce lien est si évident que ça, Jean-Christophe Angot? Et d'autre part, est-ce que cette définition de l'utopie nous permet d'éviter de tomber dans le cliché de l'anarchie qui est effectivement irréalisable? Alors c'est une histoire compliquée parce que l'anarchisme, enfin un certain nombre de penseurs anarchistes ou d'activistes anarchistes se sont prononcés par rapport à l'utopie, bien souvent d'ailleurs d'une manière très critique. Alors très souvent, alors on trouve ça par exemple chez quelqu'un que j'ai pas mal étudié moi, qui est Bakounine, une critique de la dimension autoritaire de l'utopie en tant qu'elle essaie de couler le réel dans un modèle un peu préétabli. Alors il y a cette dimension de critique de l'utopie chez un certain nombre d'anarchistes. En revanche, si on conserve de l'idée d'utopie, alors la double dimension que soulignait Miguel Abensour dans l'extrait que vous avez diffusé, qui est effectivement la prise de distance par rapport au réel, donc la dimension critique de l'utopie, elle a une fonction critique, l'utopie, et la projection dans un idéal, assurément l'anarchisme relève de ce genre de choses. Alors, il y a évidemment un malentendu avec l'utopie qui tient pour une part au nom, hein. L'utopie, c'est ce qui n'a pas de lieu, hein, qui est censé être le non-lieu. Alors, avec cette dimension critique, évidemment, qui consiste à critiquer ce qui est ici et maintenant, mais aussi très souvent les expérimentations dites utopiques, là, précisément, elles sont de toute façon relatives à un présent, parce que on n'imagine pas hors sol, hein, les constructions utopiques, les idéaux naissent aussi d'une insatisfaction par rapport au temps présent et d'une volonté de se projeter à partir du présent vers un ailleurs, mais de surcroît, les expérimentations dites utopiques, eh bien elles ont, ce qui est, c'est très paradoxal de les qualifier d'utopiques, parce qu'en général elles ont lieu précisément dans un présent. Alors qu'on pense à un certain nombre d'expérimentations anarchistes dans l'histoire, elles sont très très liées, au contraire elles sont pas du tout utopiques, hein, elles sont très très liées à un ancrage dans une histoire, dans une géographie bien particulière. Alors pourquoi persiste ce terme d'utopie? Finalement il convient pas du tout, parce que quand on pense à l'utopie, il y a l'étymologie, mais il y a aussi Thomas More. On a l'impression, en fait, même il y a une forme de, on pourrait même penser presque à Rousseau, en fait, à la démocratie de Rousseau, qui serait presque utopique avec cette égalité parfaite qu'on retrouve dans la nouvelle Héloïse. C'est pas du tout ça, en fait, que l'anarchie propose. Pourquoi, en fait, ce terme lui colle à la peau? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Alors déjà l'utopie, Miguel Abensour parlait d'une haine de l'utopie, ce qui est pas faux. C'est-à-dire que il y a un discrédit porté sur la pensée utopique avec l'idée suivant laquelle, eh bien, l'utopie nécessairement mènerait, disons, à des formes de totalitarisme, d'embrigadement du réel, d'imposition d'un modèle au réel. Ce qui est vraiment pas du tout évident si l'on songe réellement aux penseurs qui se sont réclamés d'un mode de pensée utopique. L'autre aspect peut-être, c'est de considérer que par l'utopie, on entend aussi le fait d'agir au nom d'un idéal. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui est essentiel et qui est probablement ce qui caractérise le mieux l'anarchisme, l'idée de d'agir et de réaliser ici et maintenant quelque chose au nom d'un idéal. Je vous propose d'écouter maintenant la voix d'un autre philosophe disparu il y a très peu de temps, c'est David Graeber, qui comparait Nuit debout et Occupy Wall Street. La Nuit debout a grandi beaucoup plus vite qu'Occupy Wall Street. Ça a semblé venir de nulle part et ça a éclos très très vite. Mais du coup, beaucoup de choses ne sont pas terminées. C'est seulement maintenant qu'il commence à répondre à des questions essentielles d'organisation. Mais bien sûr, à chaque fois, c'est fait d'une manière différente. Les changements historiques arrivent lentement. Parfois, ça prend du temps avant qu'on s'aperçoive. On est dans une nouvelle période. Il faut qu'on arrive à abandonner ces réflexes consuméristes qu'on n'a qu'à cliquer sur un bouton pour que ça apparaisse. Les mouvements sociaux ne fonctionnent pas comme ça. Et plus les changements que vous voulez sont importants, le plus de temps ça prendra. Part of this movement! Part of this movement! C'était donc la voix de l'anthropologue et anarchiste américain David Graeber, qui a disparu en 2020 et qui est aussi connu pour son texte sur les bullshit jobs. Alors cette archive, je la trouve vraiment passionnante, pas forcément seulement dans la comparaison entre Nuit debout et Occupy Wall Street, mais vraiment pour cette dimension temporelle en fait qu'on a esquissée avec cette idée d'idéal. Finalement, l'anarchie nous permet, ne peut pas renoncer à cette idée d'utopie dans la mesure où en fait elle est fondée sur un idéal social, économique, politique. Toute la difficulté, c'est comment mettre en œuvre maintenant, puisque David Graeber emploie ce terme de ici et maintenant, et vous l'avez aussi employé Jean-Christophe Angot, maintenant un idéal en fait qui serait quand même un but dans l'avenir. Comment en fait on articule voilà ces deux temporalités? Alors, ce qui est intéressant, oui, dans ce que disait David Graeber dans cet extrait, c'est l'articulation entre à la fois une dimension d'immédiateté. C'est ici et maintenant, et en un sens, c'est toujours possible. Donc la question de la possibilité, elle est d'emblée écartée, en disant en fait, c'est toujours maintenant si on le veut, et avec à condition que la volonté soit là, mais précisément, très souvent, elle fait défaut. Et puis la dimension de la lenteur, la dimension progressive du changement. C'est très intéressant de comparer cette conception de la révolution, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, avec la conception, par exemple, qu'on en a dans le marxisme orthodoxe. Ou au contraire, on a l'idée suivant laquelle, eh bien, on ne peut pas faire la révolution tant que les conditions ne sont pas mûres. Donc il y a l'idée d'attendre que les fameuses conditions objectives soient réunies. Et en revanche, là, on a une conception de la révolution comme une sorte de renversement soudain. Eh bien, l'anarchisme en fait est absolument au rebours de cette conception-là. Il y a l'idée que en fait il est toujours possible de faire quelque chose au présent, ça sera pas d'un claquement de doigts, effectivement. Et alors, David Graeber utilisait d'ailleurs pour penser cette double dimension d'immédiateté et de lenteur du changement social, un concept alors qu'on a analysé avec mes camarades de la revue Réfraction, qui est le concept de préfiguration, qui est une manière en fait de penser le changement social en ne tombant pas dans les impasses qui sont celles notamment du marxisme. La préfiguration, c'est quoi? C'est mettre en œuvre ici et maintenant, par les moyens mêmes qu'on emploie, la société qu'on voudrait voir advenir. Alors les questions qu'il posait, par exemple, sur Nuit debout, des questions d'organisation, est-ce qu'on va parvenir à une société sans domination en mettant en place une organisation hiérarchique, par exemple? Non, parce qu'en fait, il y a une phrase moi que j'aime beaucoup d'un anarchiste qui s'appelle Enrico Malatesta, qui dit en fait que les moyens, ils sont pas arbitraires. Les moyens qu'on emploie, qu'ils dérivent nécessairement des fins, dit-il, que l'on se propose, des circonstances dans lesquelles on lutte. Et en se trompant de moyens, on n'atteint pas le but envisagé, mais on s'en éloigne vers des réalités souvent opposées, dit-il, et qui sont la conséquence naturelle et nécessaire des méthodes que l'on emploie. Qui se met en chemin et se trompe de route, ne va pas où il veut, mais où le mène le chemin qu'il a pris. Alors, c'est un texte de début du XXe siècle qui s'intitulait le programme anarchiste, mais qui, à mon avis, est très typique de la manière dont la plupart des penseurs anarchistes conçoivent les choses, qui est cette mise en rapport très immédiate des moyens et des fins. C'est-à-dire que les fins, les moyens qu'on emploie, ne sont pas indifférents, et c'est dans les moyens eux-mêmes déjà que se construit la fin que l'on poursuit. Et donc, on ne parviendra pas à l'abolition des relations de domination en les reproduisant, typiquement. Mais ça, c'est vraiment intéressant, parce que ça veut dire, Jean-Christophe Angot, qu'on dépasse aussi des modèles d'éthique, d'action politique. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'idée, ça n'est pas le plus important n'est pas seulement la finalité à atteindre. Le plus important, ce ne sont pas non plus seulement que les moyens mis en œuvre. Finalement, on n'est pas ce qu'on appellerait en fait dans le domaine de l'éthique philosophique ni conséquentialiste ni déontologique. On pourrait peut-être revenir là-dessus, Jean-Christophe Angot. On est vraiment dans une alternative, dans une troisième voie, on pourrait dire. Oui, alors c'est vrai que très souvent on a tendance à envisager, alors moi je pense à l'alternative conséquentialisme déontologisme, mais on peut penser aussi à la distinction que faisait Max Weber entre la rationalité en finalité ou dite rationalité instrumentale et la rationalité en valeur. Et on a souvent tendance à dire oui, alors en fait, et on rabat très souvent d'ailleurs aussi sur l'éthique de la responsabilité, l'éthique de la conviction, en disant voilà, les anarchistes en fait ils veulent juste la cohérence, la pureté révolutionnaire, la cohérence des moyens et des fins, et du coup, eh bien, l'efficacité, ils s'en soucient peu. Si on regarde précisément précisément, par exemple, la manière dont Malatesta pense les choses. C'est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, il met pas du tout de côté la question de l'efficacité et la question des fins à atteindre. Ce qu'il dit, c'est que si on n'emploie pas les bons moyens, on n'atteindra pas la fin. C'est-à-dire que si on n'emploie pas des moyens qui sont cohérents avec la fin, eh bien, la fin, on n'y arrivera pas. On sera entraîné par l'emploi des moyens. Alors, ça signifie quelque chose de très concret pour quelqu'un comme Malatesta. C'est l'emploi, par exemple, de moyens, disons, politiques, des moyens de l'État, par exemple. Lorsqu'on commence à se servir de moyens politiques, de moyens de l'État, de moyens de contraintes, institutionnel, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On reproduit la contrainte institutionnelle. On n'en sort pas. Lorsque les bolcheviks font usage de l'appareil d'État et de la police politique léguée par le tsarisme pour réprimer leurs opposants, qu'est-ce qu'ils font? Bien évidemment, ils le reproduisent, ils ne parviendront évidemment pas à la société sans classe. Alors, ça nous amène aussi à réenvisager la question, par exemple, du succès et de l'échec aussi, ces questions-là, parce que il y a un culte, notamment dans le marxisme, un culte de la réussite, du réalisme politique, etc., qui est tout à fait étranger, par exemple, à l'anarchisme. Il y a au contraire dans l'anarchisme, on a droit à l'erreur. Il y a une manière d'assumer le fait que quand on expérimente quelque chose, on sait très bien que ça va échouer. Bien évidemment. Comment ça, on sait très bien que ça va échouer? Évidemment. On sait très bien qu'à un moment donné, ça va se terminer. On construit pas. Il y a que les fous qui construisent pour 1000 ans des Reich qui durent 1000 ans ou des centrales nucléaires, des nouveaux EPR où on prend des paris sur 1000 générations. Bien entendu, on construit dans l'éphémère et on sait que ça va prendre fin et puis qu'on tentera autre chose. Gustav Landauer, qui est un anarchiste allemand que j'aime beaucoup, dit dans son appel au socialisme. Dans le marxisme, il y a une peur puérile de l'échec. Et c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, on ne tente rien. On attend le moment soit venu. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. Ou alors, on construit un parti en attendant que peut-être il se passe quelque chose. Mais non, c'est ici et maintenant qu'il faut faire quelque chose. Mais si on peut, il y a cette question de l'échec qui est vraiment intéressante. D'ailleurs, on pourrait se demander pourquoi un tel culte de la réussite, parce qu'on parle beaucoup du culte de la performance, de la réussite dans le domaine du quotidien, dans la manière de se conduire, dans les rapports sociaux et tout, mais très peu, en fait, en politique. Pourquoi, à tout prix, un parti devrait-il réussir? Pourquoi, en fait, n'importe quelle expérimentation devrait-elle durer? Et là, c'est vraiment la question de la durée, c'est encore une question temporelle que je vous pose, Jean-Christophe Angot. Pourquoi, en fait, effectivement, on ne pense la politique qu'en termes d'institutions qui devraient à tout prix perdurer? Et pourquoi, en fait, le fait de ne pas perdurer est forcément associé à de l'instabilité? Alors, il y a deux questions. Il y a la question de la durée et la question de la réussite. La question de la réussite, d'ailleurs, il faut sans doute la réexaminer. Remporter une victoire, mais en parvenant à une fin qui est complètement l'opposé de celle que l'on poursuivait initialement, c'est la pire des défaites, au fond. Vaut encore mieux perdre. Voilà. Oui, mais alors là, vous parliez plutôt de l'échec, j'imagine, Jean-Christophe Angot, en fait, de quelque chose qu'on a tenté honnêtement, avec des moyens adéquats aux fins, mais qui finalement n'a pas pris. Parce que, par exemple, manque de temps, manque de force, manque de circonstances, répression. Ça, c'est différent de, par exemple, d'un candidat à la présidentielle qui pourrait annoncer un programme et qui ne le tiendrait pas. Ce qui, ça, est assez courant et pourtant est habitué à une institution démocratique stable, a priori. Alors après l'autre question que vous posiez, c'était la question de la pérennité, et ça c'est une question qui est pas anodine. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de pérennité, bien entendu que en tant que personne, on a envie d'avoir une des institutions sociales relativement stables, de pouvoir se projeter dans un avenir. Et les penseurs anarchistes ou les militants anarchistes partagent évidemment ce type de d'aspiration. Ce qui est en revanche beaucoup plus problématique, c'est de penser que on va faire quelque chose qui durera pour l'éternité. Bon, bien évidemment que c'est censé que lorsque l'on tente quelque chose, on se confronte à la possibilité de l'échec. Mais après tout, dans les relations humaines, dans les relations amoureuses aussi, qui n'a jamais tenté d'entrer en relation avec personne, effectivement, n'a jamais connu l'échec amoureux. Bon, mais et est-ce qu'on peut aussi... La vie n'est pas parfaite. Ouais, voilà. et puis, alors, surtout pas celle de ceux qui n'ont rien tenté. Ouais. Effectivement, mais on peut aussi se poser la question de... effectivement, l'échec ne serait pas aussi une manière de dire, on a tenté, ça a pas marché, mais finalement, enfin, une manière aussi de se dédouaner en fait de formes qui ne soient pas effectivement durables. Alors pas 1000 ans, parce qu'en fait, il y a quand même peu de partis qui prétendent durer 1000 ans, même si effectivement ils sont déjà très vieux. Mais quand même, il y a quand même cette idée de on peut pas non plus proposer des choses à des gens sans assurer une forme de stabilité, sans qu'elles durent 1000 ans, et en même temps, effectivement, ne pas seulement se reposer sur l'échec et l'expérimentation pour se dire bon, on a tenté, mais c'est suffisant. Alors parce que l'idée de alors c'est aussi quelque chose qui est très frappant lorsqu'on examine les expériences anarchistes dans l'histoire, y compris celles qui sont menées à petite échelle, c'est toujours la volonté de les faire connaître. Ça c'est quelque chose qui est immédiatement à chaque fois que par exemple qu'un groupe anarchiste monte une communauté, va-t-elle durer simplement même 2 ans, ils montent un journal en même temps et ils racontent ce qu'ils font. Ils racontent ce qu'ils font. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est pas d'être exemplaire, si on entend par là, qu'on mettrait en place quelque chose qui serait un modèle que les autres devraient servilement recopier. L'idée, c'est d'être exemplaire au sens où, eh bien, alors déjà d'être exemplaire dans la tentative, voilà, hein, de faire tout ce qu'on peut, mais aussi de servir d'exemple que les autres pourront examiner critiquement et donc pourront tirer des leçons de cette chose-là. Par exemple, bon, bah voilà, il faut prêter attention à un certain nombre de choses. Je sais pas, la répartition du travail dans une communauté entre hommes et femmes, par exemple. Ça, c'est des choses qui n'ont pas toujours été bien prises en compte dans l'histoire du mouvement, bon, qui est pas hors sol non plus, hein, qui appartient à son histoire. Dans certaines communautés, par exemple, il y avait beaucoup d'hommes, mais pas assez pour travailler aux tâches quotidiennes, par exemple. Bon, ouais. C'était le 29 août au matin. Il y avait meeting sur la place de Gouliaï-Pollié quand le facteur apporta les nouvelles du danger menaçant la révolution. Ainsi commence le récit de cette journée où fut prise la décision de créer, vu l'urgence, un comité de défense de la révolution qui nomma Macnaud responsable. Puis, après une nuit de réflexion, de désarmer les propriétaires, d'abolir les privilèges, et d'appliquer ce premier décret sur la terre, tel qu'il avait été discuté ici pendant des mois, de village en atelier. Voici qu'est venu le moment de réaliser le rêve séculaire. Le peuple est souverain sur sa terre, et nous, paysans, nous avons la responsabilité d'accomplir un tel acte. Le partage des terres récupérées se fit en automne, car il était urgent d'organiser labour et semaille. Il était prévu de donner à chaque famille, selon son importance, une ou deux paires de chevaux, une ou deux vaches et les outils indispensables. Si partout dans le pays, des colonies socialistes dotées de leur propre culture font irruption au milieu de la bassesse de l'économie du profit, colonies que l'on voit et dont on ressent la joie de vivre, qui est d'une espèce inouïe, quoique silencieuse, alors l'envie sourdra de plus en plus fort. Alors je le crois, le peuple s'éveillera. Alors, dis-je, mais commencez d'abord. Commencez par ce qu'il y a de plus petit et par le plus petit groupe. L'État, c'est-à-dire les masses qui ne sont pas encore parvenues à cette connaissance, les couches privilégiées et leurs deux représentants que sont la caste du gouvernement et de l'administration, opposera aux initiateurs les plus grands et les plus petits obstacles. Nous le savons. La destruction de tous les obstacles, lorsqu'il s'agit d'obstacles effectifs, advient lorsque nous nous sommes approchés au plus près d'eux, de sorte qu'il ne reste plus le moindre espace intermédiaire. Pour l'instant, ce ne sont que des obstacles prévus, imaginés, appréhendés. Nous le voyons déjà, on nous mettra ceci, ceci et cela en travers du chemin, si même nous en arrivons là, et en attendant, nous préférons ne rien faire du tout. Commençons donc par en arriver là. Que les quelques-uns que nous sommes aillent de l'avant pour devenir le plus grand nombre. Cet appel s'adresse à ceux qui veulent faire ce que leur force leur permet pour créer le socialisme. Seul le présent est effectif. Et ce que les êtres humains ne font pas maintenant, ce qu'ils ne commencent pas à faire sur le champ, ils ne le feront jamais. Commencez d'abord, c'est un texte de Gustav Landauer dans Appel au socialisme. C'est un texte que vous avez traduit, Jean-Christophe Angot, avec Anatole. Lui, c'est un texte de 1911, ce qui rejoint exactement ce que vous disiez auparavant, Jean-Christophe Angot, sur le fait de c'est ici et maintenant en fait qu'il faut mettre en pratique. Et pour avoir justement un cas pratique, on a entendu un extrait du documentaire d'Hélène Châtelaine de 96, Nestor Makhno, paysan d'Ukraine. Est-ce que vous pouvez nous présenter Nestor Makhno et Gustav Landauer, s'il vous plaît? C'est Hélène Châtelain. Hélène Châtelain, pardon. Nestor Makhno, alors c'est un paysan ukrainien qui s'est retrouvé à la tête d'une guérilla révolutionnaire au moment de la guerre civile en Russie, qui a lutté conjointement contre les armées blanches, donc les armées contre-révolutionnaires, et contre l'armée rouge qui s'est retournée contre lui après l'avoir utilisé contre les armées blanches et qui a écrasé le mouvement insurrectionnel des paysans ukrainiens. Alors qui a une certaine période à contrôler jusqu'à un tiers de l'Ukraine en mettant en place des formes de collectivités agraires libertaires. Alors est-ce que c'est à ce type d'expérience que pense quelqu'un comme Gustav Landauer? C'est pas certain pour diverses raisons. Déjà parce que Gustav Landauer est très soucieux de proposer quelque chose qui appartient à l'Allemagne de son temps. C'est un anarchiste allemand qui appartient à l'époque wilhelminienne, donc qui écrit juste avant la guerre de 1914 en l'occurrence, et qui dit voilà qui est soucieux de proposer une forme de socialisme pour une société avancée, industrielle, ce qui n'est pas le cas de l'Ukraine quand même de l'époque. D'autre part, la spécificité, mais ça on pourra peut-être en reparler, d'un certain nombre d'expériences anarchistes à grande échelle qui ont pu avoir lieu, c'est que très souvent elles sont intervenues dans des contextes belliqueux, dans des contextes de guerre civile. Alors peut-être plus où un État est affaibli. Voilà. Alors il y a aussi ça. Il y a un contexte de vacances de l'État, d'abandon d'une certaine manière aussi des populations. Et il faut bien les hommes et les choses restent là et il s'agit bien de faire avec et de se débrouiller par soi-même sans l'État et aussi parfois de se défendre. S'agissant de Makhno, c'était aussi une dimension de défense de la population paysanne. Mais ce contexte guerrier, il est à la fois très très très très spécifique. Alors on peut penser à l'Espagne en 36, à la guerre civile en Russie soviétique ou pré-soviétique, mais il est aussi un obstacle parce qu'évidemment la guerre transporte un certain nombre de schèmes d'organisation, le risque de la militarisation, et donc c'est à la fois ce qui permet un moment une ouverture vers d'autres réalisations sociales et ce qui constitue éventuellement un obstacle parce que les nécessités guerrières risquent de prendre le pas sur les nécessités de la transformation sociale. Alors c'est quelque chose auquel Landauer, cela dit, avait un peu réfléchi, notamment parce qu'il a été contemporain d'un autre mouvement révolutionnaire dont on parle très peu en Europe en général, qui est la révolution mexicaine, avec tout le mouvement zapatiste, le premier mouvement zapatiste, les mouvements d'Emiliano Zapata, etc. Et le mouvement des frères Magón, etc. Le parti libéral mexicain, mais qui est en fait un parti anarchiste. Et quand il a été confronté à ça, il dit en fait, notre tâche à nous, anarchistes allemands, en fait, elle n'est pas la même que celle des révolutionnaires mexicains. Eux, ils sont confrontés à une situation de guerre civile et de vacances du pouvoir, et donc il faut qu'ils tentent des choses immédiatement, qu'ils essaient d'imposer des choses sur lesquelles on ne pourra pas revenir. Nous, notre travail, il est un peu différent, dit-il. C'est un travail de préparation. Alors, on rejoint la question de la lenteur. Et de la préfiguration aussi. Et de la préfiguration. C'est un travail de préparation. Et donc, c'est un travail. Alors, on fait les choses ici et maintenant. On voit dans le texte qu'on a entendu qu'il y a la dimension de l'éveil dans la population. Il s'agit d'éveiller quelque chose, de réveiller le désir de vivre autrement, de vivre autre chose. Et puis il y a évidemment un modèle aussi qui est un modèle de contagion. L'idée suivant laquelle, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de l'exemplarité, c'est regardez, nous on fait ça et pourquoi pas vous? C'est aussi ça. C'est aussi une proposition qui est faite à la population. Regardez comment ça se passe. Regardez, nous, on vit bien, c'est intéressant, on vit des choses absolument bouleversantes. Pourquoi pas vous? Et donc, il y a la dimension aussi donc de contagion, de prolifération de ce type d'expérience, qui est aussi un modèle de changement social par prolifération, donc par en bas, du coup, et pas par en haut, si on veut. Ouais. Alors, on voit bien aussi que la mise en œuvre d'un acte anarchiste, à vous écouter, Jean-Christophe Angot, c'est aussi une articulation pas seulement entre les moyens et la fin, comme on en a parlé, mais aussi une articulation presque contre un bon moment, une sorte de kairos, en fait, comme on pourrait le dire, une occasion à saisir, en fait, un moment politique, peut-être effectivement où les institutions sont affaiblies, mais aussi avec un temps de préparation. Alors là, on retrouve effectivement l'idée de préfiguration. Est-ce qu'on peut tout le temps se préparer sans arriver à percevoir l'occasion qu'on voulait? Est-ce que le travail, en fait, de l'acte anarchiste, c'est pas tant de s'y préparer, la préfiguration, que le moment de saisir l'occasion l'occasion d'agir. Alors, on saisit d'autant mieux l'occasion qu'on s'y est préparé, cela dit. Hein. Bon. Mais ce qui est intéressant, alors on retrouve d'ailleurs ça chez Gustav Landauer lorsqu'il évoque dans un livre qu'il a publié qui s'appelle La Révolution en 1907, il explique que en fait on se trompe sur la révolution en pensant que ce sont les révolutionnaires qui font la révolution. Ça, vous voyez, du coup, on se dit il faut former des révolutionnaires et une sorte de pépinière comme des légumes en serre là, hop, on fait pousser des révolutionnaires puis vont comme ça on aura la révolution. Il dit non, pas du tout, en fait. Les révolutions, elles arrivent, et en fait, c'est les révolutions qui font les révolutionnaires. C'est-à-dire qu'en fait, c'est lorsqu'il y a une révolution, eh bien, qu'éventuellement, là, il y a des révolutionnaires, des gens qui ont d'un seul coup le souci de renverser l'ordre établi. Alors, et ils le feront d'autant mieux qu'ils sauront ce qu'ils veulent et qu'ils auront déjà commencé à le mettre en pratique. Alors, on en a un bon exemple. Alors, enfin, il est très compliqué toujours de généraliser là-dessus. Par exemple, pour Landauer, le modèle, c'était plutôt un modèle de prolifération des expériences socialistes jusqu'à ce qu'à un moment donné, comme il le dit, hein, on rencontre des obstacles et qu'arrive éventuellement un moment d'affrontement avec l'État qui dit non, mais attendez, là, arrêtez de sortir du capitalisme, là, retournez bosser. Bon. Et là, est-ce qu'on pourrait, par exemple, penser vraiment aux Gilets jaunes? Parce que c'est l'exemple le plus récent, parce que par exemple l'exemple de Nestor Makhnov est très parlant historiquement, mais il y a quelque chose dans les Gilets jaunes qui est actuel et qu'on peut vraiment ressaisir, qui est qu'effectivement il n'y a pas eu une préparation, il y a eu quand même, je pense, un temps préparatoire d'un sentiment d'insatisfaction, mais pas vraiment de théorie, effectivement, comme vous le disiez, de jeunes pousses militantes qui allaient prendre, qui allaient saisir la moindre occasion d'une injustice pour aller sur les ronds-points. Véritablement, c'est là où on a vu que l'occasion d'une taxe injuste sur les carburants faisait naître des révolutionnaires, en fait. Alors bon, c'est très compliqué de généraliser sur les Gilets jaunes parce que c'est un mouvement qui était lui-même très très très divers, qui sociologiquement était très divers, géographiquement très très très divers. Donc je pense qu'il faut être un peu précautionneux lorsqu'on fait des assimilations éventuellement entre l'anarchisme et ce type de mobilisation. Ce qui est certain en revanche, c'est que on a plutôt l'exemple. Enfin, moi, je le verrais plutôt comme ça, hein, avec toute la prudence et la modestie aussi qu'il faut avoir par rapport à des mouvements de ce type, d'un mouvement qui naît précisément sans préparation et qui alors est à la fois tout à fait enthousiasmant. Parce que bah, précisément ces gens-là sont pas des militants professionnels, donc ils ont aussi une forme de fraîcheur dans tenter quelque chose ici et maintenant et sans avoir, disons, les préventions que peuvent avoir les militants professionnels. Hein, dont les Gilets jaunes concevaient une manifestation, bah, c'est pas les manifestations un peu plan-plan, mais c'était beaucoup plus petite que les grosses manifestations Bastille République ou Bastille Nation à Paris là, elles ont aussi fait beaucoup plus peur au pouvoir. Pourquoi? Parce que bah, précisément, ils n'ont pas les codes. Et donc, il me semble que c'est aussi, je pense qu'il y a aussi un éloge de la naïveté politique à faire quand on regarde un mouvement comme celui-ci. Après, il y a aussi ce qui a été vécu dans ces expérimentations-là. Je pense que des personnes sont aussi sorties de l'isolement social dans lequel elles se trouvaient pour faire des choses ensemble. Et donc, elles ont aussi fait l'expérience de ce que c'est qu'une force collective. Ça, c'est extrêmement important. Elles ont aussi discuté, elles ont élaboré des propositions. Et bien, on voit par exemple qu'on part effectivement de protestations contre l'injustice fiscale pour parvenir à des revendications qui sont de l'ordre, disons, de forme de démocratie directe, etc. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça donne confiance quand même dans la délibération et dans la discussion, dans l'horizontalité de la discussion. Donc c'est des choses qui sont effectivement intéressantes. Mais typiquement, voilà, la dimension en revanche d'expérimentation sociale, on l'a peut-être un peu moins, sinon peut-être précisément vécu dans le mouvement même de la mobilisation. Mais par exemple, dans le cas du mouvement en Ukraine, en quoi il y avait vraiment de l'expérimentation sociale? C'est-à-dire que c'était pas juste une manière de protester, de se soulever, c'était aussi une manière de mettre en œuvre tout de suite une réponse en fait à la fois à l'urgence, mais aussi dans le souci d'une visée plus égalitaire. Alors, dans des régions paysannes, en particulier des régions paysannes un peu traditionnelles, même si l'Ukraine n'est pas la région la plus traditionnelle de Russie à cette époque-là, mais il y a un enjeu qui est très très immédiat, alors dont parlent aussi des gens comme Gustav Landauer, mais dont il a aussi été question en Espagne en 1936, c'est la question de la terre. C'est la question de l'accès à la terre. Alors qu'il y a une question primordiale tout d'abord parce que c'est l'accès à la terre, c'est aussi l'accès au moyen le plus élémentaire de satisfaction des besoins. Mais c'est aussi tout simplement la résistance à l'accaparement des terres par quelques-uns. Hein, et donc la dimension immédiate qu'il y a dans les révolutions espagnoles ou ukrainiennes, c'est d'abord le fait que la terre revienne aux paysans, la terre revienne à ceux qui la travaillent et qui l'exploitent collectivement à leur profit. Voilà, hein, et pour en vivre. Et donc ça, il y a une dimension évidemment d'organisation de travail, D'immédiateté. Alors l'exemple de l'Espagne est extrêmement intéressant pour saisir peut-être d'ailleurs l'articulation dont on parlait entre la dimension préparatoire et la dimension du kairos. On retient souvent de l'Espagne la mise en œuvre, l'explosion révolutionnaire de l'été 36, quand on en parle, parce que c'est un sujet qui est pas toujours très très bien traité dans l'histoire officielle, mais quand on en parle, on retient cette efflorescence d'expérimentation anarchique. On oublie très souvent les 60 ans de préparation qui précèdent. Et bien justement, Jean-Christophe Angot, nous ne les avons pas oubliés parce qu'on vous propose d'écouter un extrait de Vivre l'Utopie, ils ont réalisé l'anarchiste, un documentaire de Juan Gamero, Mitzis Kotnik, F. Rios et Mariona Roca, et ça date de 97. On savait qu'il existait un monde qui n'était pas le nôtre, un monde qui arrêtait nos parents, qui nous laissait sans travail. C'était le monde capitaliste de la bourgeoisie et nous en étions les victimes. Mais nous étions élevés dans l'enthousiasme et nous espérions que cela viendrait, que la société serait d'une certaine manière plus juste et plus égalitaire. C'était la fête dans les rues de Barcelone. Une fête débordante que j'ai vécue. Tout ce monde, les rues pleines de gens. Comment, sans préparer cette fête, il a pu se produire un tel phénomène? C'est une chose incroyable. Toutes les rues étaient pleines de gens, sans une once de haine, qui criaient « Vive la République, vive la liberté, vive le peuple !» À partir de là, ce plongeon dans la liberté que fut l'avènement de la République a stimulé tous les ressorts de la personnalité. Jamais il n'y a eu de jeunesse aussi avide de savoir que celle que nous avons vécue de 31 à 36. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. Alors on a bien entendu dans cet extrait de documentaire que vous nous avez recommandé, vous Jean-Christophe Angot, donc Vivre l'Utopie, ils ont réalisé l'anarchiste, qu'effectivement le cas de l'Espagne est vraiment intéressant parce qu'on y retrouve cette idée de préfiguration mais aussi d'articulation en fait entre le bon moment et la préparation. Et effectivement avant 36 il y a eu, là dans l'extrait de documentaire on entend vraiment 5 ans de 31 à 36 vraiment d'effervescence intellectuelle et politique, mais en fait il y a eu beaucoup plus que 5 ans d'années de préparation. La CNT espagnole l'organisation un peu motrice hein, dans ce processus révolutionnaire entre autres, elle naît en 1910 et l'anarchisme espagnol, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une double composante, une composante à la fois très culturelle. Il y a vraiment l'idée de mettre en place déjà, par exemple, des outils d'auto-organisation, des athénées libertaires, des écoles libres, hein, notamment avec Ferrer, etc. Et puis, de l'autre, une composante évidemment insurrectionnelle, mais qui se pense d'ailleurs sur le modèle parfois de ce qu'ils appelaient la gymnastique révolutionnaire. Hein, c'est-à-dire, c'est une bonne expression. C'est une manière, voilà, c'est des répétitions. Hein, et à un moment donné, il va bien y avoir on s'entraîne un moment pour le moment d'affrontement. Comme une répétition théâtrale, un peu. Alors, un peu, oui, voilà. Alors, à part que c'est du théâtre, avec du sang qui coule quand même parfois. Oui. Hein, bon, voilà. L'extrait qu'on a entendu, effectivement, s'apportait sur 31. Et la période 31-36. Alors, c'est intéressant parce que on a parfois tendance à se dire, oui, il y a une dimension messianique, quasi eschatologique chez les anarchistes et chez les révolutionnaires d'une manière générale. On oublie quand même la période dans laquelle il vivait, qui est une période extrêmement agitée, et une période où les révolutions, il en éclate tout le temps. Hein, et donc l'idée que ils sont dans l'attente de la révolution, bon ils sont pas dans l'attente, hein, ils savent que de toute façon il va y avoir des insurrections sur insurrections et que peut-être qu'à un moment donné il va y avoir quelque chose d'un peu plus important. Et à ce moment-là il y a effectivement la question de sauter sur l'opportunité. Ce que d'ailleurs les anarchistes espagnols n'ont pas forcément fait. D'ailleurs ils sont pas allés forcément jusqu'au bout de la saisie de cette opportunité. Hein. Il y a eu un moment de flottement au moment de l'été 1936 où en fait par exemple en Catalogne ils ont de fait le pouvoir. Et la question est de savoir, bon, est-ce qu'on le rend ou pas? Voilà. Est-ce qu'il y a, vous avez parlé de culture, Jean-Christophe Angot, est-ce qu'il y a des périodes plus ou moins propices à l'anarchie, des pays plus ou moins, comment dire, portés, ouverts à l'idée d'anarchie? Et autre question, mais qui va avec, est-ce qu'on peut, par exemple, accomplir un acte anarchiste sans se revendiquer anarchiste en tant que tel? C'est-à-dire, on peut se préparer à la révolution, être dans une période d'ébullition politique et en même temps ne pas du tout, en fait, avoir lu les textes, ne pas s'être entraîné, vous voyez. C'est plus que l'idée le moment que produit les révolutionnaires, c'est vraiment, en fait, est-ce qu'on peut relever de l'anarchie sans en être? Alors, l'anarchisme, il a une histoire et il a aussi des lieux. C'est-à-dire que l'anarchisme, il ne naît pas n'importe où. Il naît quand même globalement dans le monde occidental, en incluant la Russie, et comme un enfant du mouvement ouvrier. Donc il y a quand même cette dimension-là, de sorte que par exemple, il est compliqué. On peut se rapporter par exemple à des sociétés sans État, des sociétés qui ne connaissent pas l'autorité politique et les considérer comme des sources d'inspiration, des sources d'encouragement après tout, et se rendre compte que l'État est finalement une création extrêmement extrêmement récente, et la forme gouvernementale aussi. Mais ce serait indu de dire par exemple que, je sais pas, les Indiens Guayaki qu'étudie Pierre Clastre, c'est une société anarchiste. Non, parce que qui dit anarchisme dit alors déjà s'inscrire dans une certaine tradition, une certaine tradition révolutionnaire, mais aussi probablement s'opposer à l'avènement d'un État qui est déjà advenu. Alors ensuite l'autre partie de votre question sur la peut-on être en gros anarchiste sans le savoir, peut-être, hein, il y a une dimension comme ça. Alors il y a deux aspects, c'est-à-dire est-ce qu'on peut être anarchiste sans savoir? Peut-être, j'en sais rien. Et tout ce qui se fait contre la politique ou contre le gouvernement est-il forcément aussi anarchiste, vous voyez? Alors, il y a aussi des gens qui vont éventuellement avoir une réticence à se dire anarchiste, éventuellement parce que l'anarchiste peut avoir mauvaise presse pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Ça peut être simplement par le refus de l'étiquette idéologique et de l'enfermement dans une étiquette, ou bien éventuellement par souci de respectabilité, parce que l'anarchisme a aussi mauvaise presse publiquement. Hein. On s'en sert encore parfois dans les cours d'assises pour alourdir la peine d'un condamné. Regardez, il avait chez lui une histoire de l'anarchisme. Il était fou. Voilà. Traduction, non, il était pas fou. Seulement, non, c'est pas seulement, c'est qu'il était criminel. Hein. Un récent cas de procès, par exemple, à Lyon, où le procureur glisse quand même, à un moment donné, d'essayer d'inculper des gens, qu'il a quand même une histoire de l'anarchisme chez lui. Bon, j'espère juste qu'ils ne débarqueront pas dans ma bibliothèque, parce que j'aurai des problèmes. Ils ne vous écouteront pas ce matin. Voilà. Mais on peut être anarchiste sans forcément revendiquer. Ce qui est, en un sens, peu importe. L'étiquette importe peu. En revanche, ce qui serait dommage, c'est d'oublier l'histoire, d'oublier ce qui a été tenté dans l'histoire, et en somme, de revivre des choses qu'on n'est pas obligé de revivre, et donc on peut se passer de faire un certain nombre d'erreurs qu'on a pu faire par le passé. Et ça, méditer sur l'histoire de ce mouvement et de ces expériences là est précieux de ce point de vue là ouais. Je vous propose d'écouter un dernier cas pratique, c'est le cas de Rojava. Comme dans chaque ville ou village au Rojava, les portraits des martyrs, dont beaucoup de femmes, sont omniprésents. Cette bataille de Kobané a également permis au monde de découvrir une autre place pour les femmes au Moyen-Orient. Kongrastar est le nom donné à la maison des femmes de la ville. Dans une petite rue tranquille, ce vaste édifice accueille notamment celles qui viennent porter plainte pour violence conjugale. Nos interlocutrices insistent sur l'égalité entre les sexes comme pilier central du contrat social du Rojava. Ce sont les nouvelles lois votées par le gouvernement autonome. Plus de 2000 communes ont été enregistrées dans le canton de Kobané. Elles ont pu trouver une solution pour presque 10 000 plaintes et seulement 500 ont été traitées par la justice. On retrouve ici l'application directe de principes inspirés du communalisme de Mawé Bourchine. Je suis fière qu'une majorité des idées de mon père aient influencé la société du Rojava. Ce qui est d'une importance capitale, c'est qu'ils sont en train de dire que nous devons créer une société qui responsabilise vraiment les gens au niveau local. C'est un message très fort, en particulier au Moyen-Orient. Et je suis allée là-bas, précisément, où j'ai eu l'opportunité de discuter avec pas mal de gens. Si vous regardez ce qu'ils sont en train de faire, si vous regardez par exemple leur contrat social, qui est l'équivalent de notre constitution, ils consacrent une telle place aux droits des femmes qu'il fait franchement honte à notre constitution. Toute personne aux États-Unis ou ailleurs dans le monde qui se considère comme progressiste ou féministe devrait défendre avec force le projet du Rojava. Alors le cas du Rojava est vraiment intéressant, non seulement parce qu'en fait il est contemporain, c'est vous qui nous en avez parlé, Jean-Christophe Angot, mais aussi parce qu'il permet de poser une question que je vous ai posée à l'instant, qui est celle de à quoi en fait repère-t-on un mouvement, une organisation anarchiste ? Est-ce que c'est dans le fait par exemple de constituer des constitutions justement qui ne ressemblent en rien aux constitutions qu'on a, de proposer des expérimentations, par exemple entre là il y a vraiment quelque chose autour de l'écologie, du droit des femmes dans le Rojava, et puis la deuxième question, c'est jusqu'où ces expérimentations, si elles sont anarchiques, sont compatibles avec des institutions démocratiques. Ça, c'est vraiment, on a l'habitude de rapprocher l'anarchie du socialisme, mais est-ce que c'est une forme démocratique politique, l'anarchie ? Alors. Le Rojava, alors, donc faut rappeler, hein, c'est donc ces trois cantons, enfin maintenant il n'y en a plus que deux qui sont encore administrés de manière autonome, mais au nord de la Syrie, et qui ont déclaré leur autonomie à la faveur de l'effondrement de l'État syrien suite aux révolutions arabes, et qui inspiré alors par le virage qu'a accompli l'organisation, enfin le mouvement kurde, notamment inspiré par le PKK et par Abdullah Öcalan, d'un marxisme un peu à l'ancienne et de revendications indépendantistes, a tourné vers un projet plus communaliste et autonomiste plutôt qu'indépendantiste. Alors c'est évidemment un mouvement qui est très intéressant, qui naît aussi, vous voyez, à nouveau dans un contexte d'ailleurs de désertion de l'État, d'abandon de l'État, de guerre civile, dans un contexte aussi où la nécessité pour les populations et de se défendre, hein, on a cité le cas de Kobané, qui là encore une expérimentation à propos de laquelle on ne peut que s'inquiéter, parce que elle a aussi noué un pacte avec le diable, hein, elle doit aussi sa survivance à l'aide occidentale, et probablement elle risque d'être écrasée par la Turquie. Donc il y a tout un contexte géopolitique qui est très compliqué, qui est aussi un contexte national, le contexte du mouvement kurde. Bon. Ensuite, alors quelles leçons on peut en tirer pour aujourd'hui, sachant que voilà, ça se passe dans un pays qui n'est pas le nôtre, on n'y est pas, qu'il est toujours délicat d'aller juger de loin un mouvement en disant ah mais tout de même par rapport à la pureté des principes anarchistes, c'est pas encore tout à fait là. Il y a des gens qui font ça, bon, mais c'est leur problème. La question qui est peut-être posée, c'est d'abord un mouvement anarchiste, peut-être qu'on le reconnaît à des manières de faire. L'anarchisme, c'est pas simplement un projet, c'est pas simplement des expérimentations, c'est aussi des manières de s'organiser. C'est pas l'absence d'organisation, c'est un certain type d'organisation basé sur l'horizontalité, sur la révocabilité permanente des responsables, sur la rotation des tâches, etc. Bon. Ensuite la question qu'on peut se poser s'agissant du Rojava, c'est la dimension. Alors, le contrat social, la dimension démocratique revendiquée. Bon, on peut l'interroger. Quel est le rapport avec les autres organisations kurdes ? Mais sachant que voilà, c'est un mouvement qui se développe aussi dans un contexte d'hostilité assez fort. Donc, c'est quand même très compliqué d'en tirer des leçons pour nous, principalement. Après, ça reste une expérimentation qui est extrêmement intéressante et courageuse. Ouais, en tout cas, c'est un bon cas, on peut le dire, d'expérimentation. expérimentation qui serait une expérimentation en tout cas alternative. Et il faut le dire, toute expérimentation alternative ne relève pas forcément de l'anarchie et en même temps peut aussi en relever. Mais la question entre la compatibilité de l'anarchie et de la démocratie, c'est une question qui se pose véritablement. C'est-à-dire que certes, l'anarchie admet une forme d'échec. Certes, il y a un rapport entre moyens et fins utilisés. Aussi, on peut dire qu'elle n'est pas une absence d'organisation et qu'elle veut se débarrasser de l'État, mais pas complètement non plus d'une forme d'organisation. Est-ce que ça veut dire que l'anarchie doit quand même rester malgré tout une opposition, une résistance aux institutions démocratiques, ou est-ce que c'est un prolongement de la démocratie? Est-ce que c'est une sorte de garde-fou de la démocratie? Quelle relation entre ces deux pôles? Alors historiquement, il y a beaucoup d'anarchistes qui se sont réclamés de formes de démocratie. Hein. Bakounine au début est dans une organisation qui s'appelle l'Alliance de la démocratie socialiste. Hein. Donc il y a l'idée sur laquelle il s'agit de prolonger la démocratie jusqu'au socialisme. Alors sur un plan strictement institutionnel, par exemple, hein, bon, on peut considérer par exemple que il y a une opposition à la démocratie représentative, hein, parce que nécessairement les représentants s'autonomise par rapport à ceux qu'ils représentent. Il y a éventuellement souvent aussi une opposition à la règle de la majorité. Par exemple, le fait dans les collectifs anarchistes de prendre les décisions au consensus formel. Alors ça signifie pas, le consensus c'est pas simplement le consensus mou, hein, c'est quelque chose que l'on produit. C'est-à-dire en somme, on arrive jusqu'à ce que la décision que l'on prend soit la plus inclusive possible. Hein, il s'agit pas de faire en sorte que à chaque fois on ait 51 personnes contre 49 qui ont raison et puis à la fin ceux qui se retrouvent dans toutes les décisions ils sont 3. Quoi, voilà. Non, en fait, l'idée c'est de faire quelque chose qui soit le plus inclusif possible. Alors, de ce point de vue-là, par exemple, du point de vue des procédures, il y a des choses qui s'écartent de la démocratie représentative et même de la démocratie majoritaire telle qu'elle est pratiquée. Mais pour ce qui est des valeurs de la démocratie telle qu'on les conçoit, les valeurs d'égalité et de liberté, assurément l'anarchisme s'inscrit dans cette revendication et même prétend les pousser jusqu'à leur terme le plus extrême. Ouais. Alors une toute dernière question. Vous nous avez parlé d'un philosophe américain qui s'appelle Murray Bookchin et qui pointe la dérive de l'anarchie qui pourrait être bientôt un vocabulaire chic bourgeois du siècle à venir, une chose quelque peu polissonne, je le cite, rebelle, insouciante mais délicieusement inoffensive. Oui, alors ça c'est la dernière période de l'activité de Murray Bookchin lorsqu'il s'est plutôt un peu éloigné de l'anarchie. Et où il a distingué ce qu'il appelait un anarchisme social et un anarchisme qui disait du mode de vie, lifestyle, hein, lifestyle anarchism, il disait. Et alors, ça peut rejoindre la question de la préfiguration. On peut tout à fait imaginer, par exemple, une conception un petit peu mutilée de la préfiguration, où en fait, on se contemple, on se dit, ah, regardez, moi, je suis tellement pas dans des relations de domination, j'ai réussi à construire ma petite communauté gérée, et je suis totalement sorti des rapports de domination, et c'est fait. Et alors, eh bien, personne ne s'en soucie. Et par rapport donc à cette conception qu'on pourrait dire simplement préfigurative, il faudrait peut-être plutôt revaloriser une dimension préfiguratrice, c'est-à-dire véritablement qui construit et qui cherche à essaimer. Ce qui n'est pas forcément le cas dans le type d'anarchisme que critiquait Murray Bookchin, un anarchisme du mode de vie et qui est finalement une dimension un peu consumériste de l'anarchisme, consistant à adopter un mode de vie et pas forcément à chercher à en faire la propagande, à le répandre, à modifier au quotidien dans toutes les dimensions de l'existence les rapports pour échapper aux relations de commandement et d'obéissance. Merci beaucoup Jean-Christophe Angot. De vous, on peut lire dans la traduction avec Anatole Lucet de l'ouvrage L'appel aux socialistes de Gustave Landauer, c'est aux éditions La Lenteur. Aussi l'édition du texte de Bakounine, Principes et organisation de la société internationale révolutionnaire, aux éditions du Chat Ivre. Et bien sûr la coordination de la revue Défraction numéro 46 sur la préfiguration et l'utopie. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique de Frédéric Wormsle, le pourquoi du comment.